fait beaucoup de signes envoyés aux Afro-Américains pour qu'ils reviennent au pays. Et c'est vrai qu'on peut imaginer qu'un Afro-Américain qui sort d'une ville des États-Unis et qui arrive au Ghana peut être drôlement surpris. C'est peut-être pas l'Afrique qu'il a rêvé. Ça crée un choc. Ce choc peut être perturbant aussi dans cette volonté de se construire une identité, un imaginaire avec une Afrique un peu rêvée. Oui. Oui, il y a un certain nombre de personnes qui, depuis les années 60, se sont installées au Ghana. On peut aussi obtenir la nationalité ghanéenne dans certains cas. Oui, il y a ce choc. Après, les gens que moi j'ai rencontrés parlent peu de ce choc, en fait, parlent de l'accueil. C'est difficile de parler des effets de la distance historique et de la distance géographique et du fait qu'une lecture diasporique des États-Unis, de l'Afrique, n'est pas la même que le vécu d'un Africain sur place. Et ça sera pas forcément la même chose que le vécu d'un Afro-Européen ou un Afro-Latino. Et ça, c'est quelque chose qui est compliqué à comprendre et à expliquer pour eux parce que ils parlent de l'Africain, de la culture africaine, de la société africaine. Comme avec l'idée d'une unicité qui n'a jamais été, mais qui les a portés jusqu'au Ghana. C'est la nation noire, c'est le peuple noir, c'est cet idéal d'un peuple noir qui n'existe sans doute pas, et tant mieux, parce que la diversité, c'est ça qui va créer la richesse. Merci beaucoup Sarafila Bakabadio. Donc je rappelle Africa Human Mind, une histoire sociale de l'afrocentrisme aux États-Unis. C'est aux éditions Les Indes Savantes. Mais je regarde l'heure, 9h51, voici Anaïs Kien pour son journal de l'histoire. Anaïs, spoliation et ordre du monde, c'est bien ça. Exactement, Xavier. Alors, la semaine dernière, un jugement a été rendu dans une affaire de demande de restitution. On parlait tout à l'heure de restitution, nous y voici encore. Mais cette fois-ci, ça concerne trois tableaux de Derain, une famille qui demandait la restitution de ces tableaux et qui a été déboutée. C'est ça la question, Anaïs. Exactement. Le 29 août, les juges ont considéré que des incertitudes persistantes quant à l'identification des tableaux demeuraient et qu'elles invalidaient la demande des ayants droit de René Guimpel, collectionneur et résistant français mort en déportation en 1945. La famille Guimpel demandait la restitution de ces trois tableaux de Derain, spoliés sous l'occupation allemande et appartenant actuellement aux collections nationales théoriquement inaliénables. Les ayants droit de René Guimpel ont déclaré vouloir faire appel de ce verdict. Bien souvent, les pillages et spoliations restent difficiles à retracer. Achats au marché noir, monnaie d'échange, passés au tamis des trafics de guerre, leur circulation ne respecte que rarement les cours et les règles du marché de l'art. D'ailleurs, René Guimpel avait bradé à la va-vite une grande partie de sa collection pour financer la fuite et le refuge de sa famille à Londres. Alors Anaïs, on se souvient que cette question des restitutions de biens spoliés, ça a déjà fait l'actualité régulièrement. Il y a quelques mois, il y a eu la publication d'un rapport commandé par l'État sur les objets d'art à provenance douteuse et qui étaient conservés dans les musées nationaux. C'est ça, c'est quoi ce rapport? Oui, depuis quelques années, le sujet devient affaire. Le rapport de Bénédicte Savoie et Felwine Sarr avait fait grand bruit en 2018. Emmanuel Macron avait solennellement joint le geste au rapport en restituant 26 œuvres réclamées par le Bénin qui avaient été prélevées au 19e siècle. Alors les hypothèses avaient été nombreuses à ce moment-là, au cours des débats, sur les débats qui ont suivi d'ailleurs la publication de ce rapport, sur des solutions adoptées. Oui, doit-on adopter une politique radicale de restitution de tous les objets dont la provenance est nettement obscure ? Doit-on favoriser une forme de propriété collective, c'est-à-dire rendre nomades ces œuvres d'art en facilitant leur circulation à travers les frontières ? Doit-on tout simplement refuser la mémoire de l'appropriation de ces objets, les laisser là où ils sont et promettre, faire vœu pieux, de ne plus faire d'achats imprudents ? Aucun scénario n'a pour le moment été clairement annoncé. D'accord, donc il n'y a pas vraiment de solution évidente. Absolument pas. Le problème est épineux. Ces objets déplacés, je mets des guillemets bien sûr, au 19e siècle lors des conquêtes coloniales ou sous l'occupation allemande, sont une épine monumentale dans les relations diplomatiques. Restituer ces œuvres, pour les institutions publiques, c'est admettre avoir contribué à leur spoliation, en conscience ou non, ne serait-ce qu'en fermant les yeux sur leur origine. Alors si le réel n'est pas encore décidé, on peut partir un peu dans la fiction. Il y a un écrivain, Arnaud Bertina, qui a fait une histoire des possibles, une uchronie qui traite de